Le temps du cœur, Ingeborg Bachmann et Paul Celan, correspondance. Troisième émission. Page choisie par Julie Amint. Traduction de Bertrand Badiou. Claire est la nuit. Claire est la nuit qui nous a inventé des cœurs. Claire est la nuit et je regarde vers toi, enflammé de soleil. Pense au temps où la nuit montait avec nous sur la montagne. Pense au temps. Pense que je fus ce que je suis. Un maître des cachots et des tours, un souffle dans les ifs, un buveur dans la mer, un mot vers lequel tu descends en feu. Paul Celan, eau et feu. Difficile d'inventer une nouvelle forme de lien une fois la relation amoureuse rompue. Après 3 années emplies de malentendus et de déceptions réciproques, Ingeborg Bachmann et Paul Celan tirent un trait qu'ils essaient de penser définitif sur leur ancienne passion et tentent d'expérimenter un nouveau terrain, celui de l'amitié. En 1951, Paul Celan rencontre Gisèle de Lestrange, peintre et graveur, qui devient sa femme le 23 décembre 1952. Sankt Wolfgang, 30 août 1951. Cher Paul, j'espère que tu auras reçu ma lettre cette fois-ci. La dernière fois, j'ai utilisé l'adresse que tu avais écrite sur l'enveloppe et ce n'est que plus tard que j'ai découvert l'adresse plus complète dans la lettre elle-même. Dans l'intervalle, je suis allée dans le Salzkammergut. Mon congé est très court, une semaine à peine, mais je ne suis pas triste, car les journées sont si belles et à Vienne m'attend à nouveau un meilleur travail, qui certes exigera beaucoup de moi, mais qui est sous tout rapport plus satisfaisant que le précédent. Je vais, de façon assez indépendante, organiser les émissions culturelles à la radio Rot-Weiss-Rot et, dans la section appelée Script Department, participer au bricolage de pièces radiophoniques. Toujours est-il que cela pourrait équivaloir à une formation professionnelle et m'assurer, si tant est qu'on puisse songer à être en sécurité du point de vue matériel, un revenu les années qui me séparent de mon retour à l'université. Cher Paul, si je m'interroge aujourd'hui sur mes désirs, mes véritables désirs, j'hésite dans la réponse que je me fais. Oui, peut-être en suis-je même arrivé à la conviction qu'il ne nous appartient pas de désirer, que nous n'avons à accomplir qu'une certaine somme de travail, et que quoi que nous fassions, c'est sans effet. Mais que, cependant, de 8h du matin à 6h du soir, nous devons faire comme s'il était important de placer une virgule ou un double point sur une feuille de papier. Mais pour en revenir au désir, parce que je ne suis pas la seule, mais qu'il y en a d'autres, à désirer quelque chose, crois-tu qu'il te serait possible de venir en Autriche l'hiver prochain, disons à Noël ? Tu n'aurais aucun souci à te faire le temps de ton séjour ici. Il faut que tu te détendes, que tu te sentes invité, que tu te sentes à la maison. Fais taire en toi toute susceptibilité. Ce n'est pas comme mon seul nom que je dis cela, mais aussi au nom de Klaus et de Nanny, et de quelques autres encore, qui désirent beaucoup t'avoir ici. Je parle aussi, du moins je l'espère, un peu pour l'Autriche qui ne s'est pas encore acquittée de ses obligations envers toi. Et quand je te parle, je parle au poète et à l'homme, qui, après tout ce qui s'est passé, continue d'exister pour moi. Avec mes salutations et pleines de pensées, Ingeborg. Londres, 10 septembre 1951. Cher Inge, ta deuxième lettre me parvient à Londres, où je vais rester encore 2 jours. Ensuite, mon adresse sera de nouveau l'ancienne, 31 rue des Écoles. Je me réjouis de tes succès, et je te remercie cordialement de t'être si gentiment donné du mal pour mes poèmes. Je t'écrirai plus longuement de Paris. Bien de belles choses. Paul. Vienne, 25 septembre 1951. Lettre non envoyée. Cher Paul, Ces jours-ci, je vais te renvoyer l'anneau que tu m'as donné l'an passé. Simplement, je ne sais pas encore si je peux, sans autre forme de précaution, le confier à la poste ou s'il faut que j'attende que quelqu'un aille à Paris. Ton désir de le récupérer m'a moins surprise que les souvenirs que tu y associes. J'aurais très bien compris que tu tiennes beaucoup à garder ce souvenir de ta famille. Et rien qu'à cause de cela, je n'aurais pas un instant hésité à te le rendre. Je ne l'aurais certainement pas mal interprété, et par conséquent, je ne me serais pas non plus sentie blessée. Mais il a fallu que j'apprenne aujourd'hui, même si c'est par les allusions pleines de tact de Nanny, que le souvenir des conditions dans lesquelles ce cadeau a été fait m'aurait ou t'aurait troublé. Le soupçon que tu exprimes ainsi au fond du cœur par rapport à moi me paraît si monstrueux qu'il me faut me ressaisir pour avoir les idées claires et ne pas montrer l'amertume et le désespoir qui menacent de m'envahir. Paul, crois-tu donc vraiment que cet anneau, dont je connaissais l'histoire, et que cette histoire soit sacrée pour moi, tu n'as pas pu le contester dans tous les reproches que tu m'as faits? J'aurais pu me l'approprier par caprice, simplement parce que je l'aurais vu et qu'il m'aurait plu. Je ne veux pas me justifier devant toi. Je ne veux pas non plus avoir raison, car il ne s'agit pas ici de toi ni de moi. En tout cas, pas pour moi. Je n'ai rien à te dire si ce n'est que ma conscience devant les morts qui ont porté cet anneau existe et résiste. Je l'ai accepté comme un cadeau de toi et je l'ai porté ou conservé, en gardant toujours à l'esprit sa signification. Aujourd'hui, je comprends mieux beaucoup de choses. Je sais que tu me détestes et que tu te méfies profondément de moi, et je te plains, car je suis inaccessible à ta méfiance, et je ne la comprendrai jamais. Je te plains parce que, pour surmonter une déception, tu as un tel besoin de détruire, à tes yeux et aux yeux des autres, l'autre qui t'a causé cette déception. Que je t'aime quand même, c'est désormais mon affaire à moi. En tout cas, je n'aspire pas, comme toi, d'une manière ou d'une autre, par un reproche ou un autre, à en finir avec toi, à t'oublier ou à te chasser de mon cœur. Je sais aujourd'hui que je n'en finirai peut-être jamais avec tout cela, sans toutefois jamais rien perdre de ma fierté. Comme toi, tu seras fier un jour d'avoir apaisé tes sentiments vis-à-vis de moi, comme des sentiments vis-à-vis de quelque chose de très méchant. N'oublie pas, s'il te plaît, de m'écrire pour ce qui est de tes poèmes. Je ne voudrais pas que tout le reste, dont nous sommes convenus par ailleurs, souffre de nos affrontements personnels. Ingeborg. Paris, 30 octobre 1951. Ma chère Inge, il semblerait que cette vie soit faite d'occasions manquées, et mieux vaut peut-être ne pas trop longtemps chercher à deviner leur énigme, sinon les mots risquent de se figer. Les lettres qui ont entrepris de le faire ont reculé sous le doigt, crispé, qui continuait de tâtonner dans l'espace auquel elles étaient censées être arrachées. Je te suis donc maintenant profondément obligé, et ma brève de Londres, tout ce qui existe en face de tes lettres, de tes cadeaux, de tes démarches, voltige dans ma tête. Pardonne-moi donc, et faisons en sorte que nous puissions enfin nous parler. J'aimerais t'informer un peu, te faire un rapport. C'est sans doute ce qui est le plus clair. À Londres, apaisement, vie de famille, jardin, livres, et de temps à autre un tour en ville. Pour ce qui est des rencontres, aucune en dehors de celle des Richfried, rafraîchissante, vivifiante par sa cordialité et sa chaleur. Puis difficile retrouvaille avec Paris, recherche de chambre, de contact humain, double déception. Solitude de bavardage, paysage de neige fondue, secrets privés divulgués dans des chuchotements. En somme, un jeu rassérénant avec des choses sombres, naturellement au service de la littérature. Parfois, le poème vous apparaît comme un masque, qui n'existe que parce que les autres ont de temps en temps besoin de quelque chose derrière quoi pouvoir dissimuler leur sacro-sainte grimace de jours ordinaires. Mais maintenant, assez de mots blasphématoires. La terre n'est pas censée devenir plus ronde pour autant. Et à Paris, cet automne aussi, les marronniers ont fleuri une seconde fois. Cher Inge, il faut que je te remercie, toi ainsi que Klaus, des publications des deux poèmes dans Wort und Wahrheit. Peut-être atteindront-ils par cette voie aussi quelque oreille qui n'est pas barricadée. Tu te réjouiras certainement d'apprendre que la revue berlinoise Das Lot vient elle aussi d'accepter quelques poèmes de moi. Ils seront publiés dans le prochain numéro qui paraît en février. En outre, il est question qu'on traduise quelque chose de moi en suédois. Le remarques-tu ? Je me démène, je vais d'une maison à l'autre, dans tout le secteur, je me cours après à toute allure. Si seulement je pouvais savoir où j'en suis maintenant. Mais est-elle vraiment devant ma porte, cette pierre que je m'efforce de faire rouler ? Ah, la parole ne vient que par les airs et je le crains de nouveau, en dormant. Et toi, Inge, travailles-tu ? Dis-moi donc quelque chose à ce sujet, tu veux bien ? Et tes projets ? J'ai des remords parce que dans ma lettre de Levallois, je t'ai déconseillé le voyage outre-mer que tu projetais de faire. Je retire à présent tout ce que j'ai dit. Mon jugement était alors très superficiel. Fais-moi part de tout ce dont tu peux m'informer. Et au-delà, dis-moi peut-être parfois une de ces paroles qu'on dit très doucement, qui ne vient que lorsqu'on est seul et qu'on est loin. Je ferai alors de même. Avec ce que cette heure a de plus lumineux, Paul. Vienne, 10 novembre 1951. Très cher Paul, ta lettre m'a fait tellement plaisir, plus que tu ne peux l'imaginer. Oui, je me demande si tu n'as jamais été aussi proche de moi que ces jours-ci, parce que pour la première fois dans une lettre, tu es vraiment venu à moi. Ne te méprends pas sur ma joie, car je perçois aussi toute l'amertume qu'il y a dans cette lettre. La seule chose qui me fait plaisir, c'est que tu aies pu m'écrire à ce sujet. Si je te comprends, si je peux partager avec toi ce que tu ressens, c'est parce que j'y trouve confirmé ce que mon propre sentiment me dit. La nullité des efforts autour de nous, le business culturel, dans lequel je tiens moi-même maintenant un rôle. Toute cette agitation répugnante, ces conversations bêtement insolentes, cette passion de plaire, l'aujourd'hui avec un grand A, tout cela m'est de jour en jour plus étranger. Je suis en plein dedans, et c'est d'autant plus sinistre de voir les autres gesticuler avec satisfaction. Je ne sais pas si tu te rends compte que je n'ai personne en dehors de toi qui me fortifie dans ma croyance en ce qui est autre, que mes pensées te cherchent sans cesse. Non seulement parce que tu es l'être qui m'est le plus cher, mais aussi parce que même si tu es toi-même perdu, tu es celui qui tient la position où nous nous sommes barricadés. Je me réjouis de la publication de tes poèmes, mais tu n'as vraiment pas à me remercier pour Wort und Wahrheit. Non, il ne faut absolument pas me remercier, jamais, car dans des instants pareils, m'oppresse encore plus le sentiment de culpabilité que j'éprouve profondément à ton égard, même si je ne sais pas le qualifier plus précisément. Cher Paul, je sais qu'aujourd'hui tu ne m'aimes plus, que tu n'envisages plus de me prendre auprès de toi. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'espérer encore, de travailler dans l'espoir de préparer le terrain pour une vie commune avec toi, ce qui nous assurerait une certaine sécurité financière et nous permettrait, ici ou ailleurs, de commencer à nouveau. Des promesses et des protestations, je ne veux ni ne peux plus en faire. Je cherche plutôt une preuve, peu importe que tu l'admettes ou pas. Peut-être est-ce même à tes yeux une fausse et mauvaise preuve. Mais j'en suis arrivée à la conviction que je peux accomplir mieux que toi les tâches de ce côté de la vie. Et qu'il faut, si j'ai la prétention de t'aimer, que j'en sois capable. Que tu ne sois pas là me rend tout plus facile et plus difficile à la fois. Tu me manques douloureusement, et je suis quand même contente parfois de ne pas avoir maintenant l'occasion de venir auprès de toi. Il faut que je prenne encore plus d'assurance. Il faut que je prenne plus d'assurance pour toi. Ne réponds pas à ces lignes de ma lettre, sauf si tu devais en ressentir le besoin. L'essentiel est que tu m'écrives. Écris-moi, pour que je te sache là, pour que je ne sois pas aussi seule avec les jours qui fuient, les événements, tous ces gens, tout ce travail. À propos du poème « Eau et feu », il est totalement nouveau et surprenant pour moi. C'est comme si une contrainte d'association avait été levée et qu'une nouvelle porte s'était ouverte. C'est peut-être ton plus beau poème, et je ne crains pas que ce soit le tout dernier. J'en suis indiciblement heureuse, et je viens pleine d'espoir pour toi au cœur de tes temps sombres. Tu m'as souvent reproché de n'avoir aucun rapport à tes poèmes. Je t'en prie, renonce à cette idée. Et je ne dis pas cela en ce qui concerne ce seul poème, mais aussi pour les autres. Je ne vis et ne respire parfois que par eux. Reçois mes meilleurs vœux et, si je puis utiliser abusivement une de tes paroles, pense que je fus ce que je suis. Ingeborg. Vienne, 26 janvier 1952. Mon cher Paul, il y a si longtemps que je n'ai pas de nouvelles de toi. Je ne sais pas du tout comment tu vas ni où tu es. À la fin avril, je vais pouvoir prendre mes premiers congés. Ce ne seront certes que 15 jours ou 3 semaines, mais j'aimerais absolument venir auprès de toi et te voir. Écris-moi vite, je t'en prie. Ça n'a pas besoin d'être une longue lettre. Donne-moi enfin un signe de vie. Et puis je serais contente si tu pouvais te réjouir un peu de ma venue. J'ai comme toujours énormément de travail, du beau travail, mais aussi du travail insatisfaisant. Et j'ai à peine le temps de souffler. Les jours s'envolent et il est difficile de garder en éveil la conscience de ce qui subsiste. Je l'ai cependant toujours et à chaque instant. Et tu fais partie de ce qui subsiste. Car on ne peut rien y changer. Une partie de moi est toujours près de toi, et une partie de toi toujours près de moi. Ingeborg. Paris, 16 février 1952. Cher Ingeborg, c'est parce qu'il m'est si difficile de répondre à ta lettre que je ne t'écris qu'aujourd'hui. Ce n'est pas la première lettre que je t'écris depuis que je cherche à te répondre, mais j'espère que cette fois-ci c'est bien la lettre que j'enverrai. Ce que je me résous à te dire tient en ces mots. Ne parlons plus de choses qui sont irrévocables, Inge. Elles ne font que rouvrir les blessures. Elles provoquent en moi colère et mauvaise humeur. Elles font ressurgir ce qui est passé. Et ce passé m'a si souvent paru être un passé au-delà de ce qui est permis. Tu le sais. Je te l'ai fait sentir et même savoir. Ce qui plonge tout dans une obscurité sur laquelle il faut longtemps se pencher pour parvenir de nouveau à l'en tirer, l'amitié se défend obstinément de jouer son rôle salvateur. Tu vois, ce qui arrive est le contraire de ce que tu souhaites. Tu crées, avec les quelques mots que le temps sème devant toi, à des intervalles qui ne sont vraiment pas petits, des imprécisions dont il me faut faire de nouveau, et là aussi sans ménagement, le procès, comme en son temps je faisais celui de ta personne. Non, Ingeborg, ne cherchons plus à deviner l'énigme de l'irrévocable. Et je te prie, ne viens pas à Paris pour moi. Nous ne nous ferions mutuellement que du mal, toi à moi et moi à toi. Quel sens cela aurait-il? Dis-moi. Nous en savons suffisamment l'un sur l'autre pour nous rendre à l'évidence que seule l'amitié demeure possible entre nous. Le reste est irrémédiablement perdu. Si tu m'écris, je saurai que tu tiens à cette amitié. Deux questions encore. Monsieur Schönwiese n'a sans doute plus l'intention de faire une émission à partir de mes poèmes? Il y a 2 mois, j'ai reçu une gentille lettre de Hilde Spiel, et c'est tout pour l'instant. Elle n'a pas répondu à la lettre dans laquelle je lui demandais si la perspective de trouver un éditeur existait toujours. Je souffre beaucoup de cette histoire de poème. Mais personne ne m'aide. Tant pis. Redonne-moi bientôt de tes nouvelles, Inge. Je me réjouis toujours quand tu écris. Je me réjouis vraiment. Paul. Vienne, 21 février 1952. Cher Paul, hier j'ai reçu ta lettre du 16. Je te remercie. Pardonne-moi de te poser malgré tout quelques questions. Et il ne devrait pas t'être pénible d'y répondre si tu crois en la possibilité d'une amitié entre nous. Je n'ai pas l'intention de te créer de nouveaux problèmes ni de te demander de reprendre notre relation là où nous l'avons laissée tomber. Ce n'est pas pour toi que je viendrai à Paris. Mais il est possible que je vienne quand même, tôt ou tard. Je peux facilement y être amenée pour des raisons professionnelles. Et j'aimerais te demander, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, si tu veux savoir quand j'arrive, et si, le cas échéant, tu viendrais me chercher ou non. Ou si tu trouves désagréable de me revoir. Ne te fâche pas si je te pose ces questions, mais ta lettre m'a plongée dans l'incertitude. Je te comprends et je ne te comprends pas. J'ai toujours su combien tout était difficile. Ton aversion et ta colère sont compréhensibles. Ce que je ne comprends pas, et je ne peux pas ne pas le dire, c'est cette effrayante intransigeance, c'est ce « jamais pardonné, jamais oublié », cette terrible méfiance que tu me fais sentir. En lisant et relisant ta lettre hier, j'étais très mal. Tout me paraît complètement vain et dépourvu de sens, mes efforts, ma vie. Mon travail. N'oublie pas que les imprécisions dont tu fais le procès sont dues au fait que je parle dans le vide. Je n'ai plus la possibilité de réparer les torts, et c'est le pire qui puisse arriver. Ma situation devient de plus en plus sinistre. J'ai tout misé sur une carte et j'ai perdu. Ce qui va m'arriver ne m'intéresse pas beaucoup. Parlons d'autre chose. Schoenwiese va diffuser tes poèmes. Il vient à Vienne la semaine prochaine. Ce qui est plus triste en revanche, c'est que Hilde Spiel ne donne pas de nouvelles. Mais ne te laisse pas décourager. Il ne faut pas que cela t'affecte. Essaie, je te prie, de garder présent à l'esprit que nous, Nanny, Klaus, moi et beaucoup d'autres, pensons beaucoup à toi. Et qu'un jour, un de nous finira bien par avoir les mains libres et sera suffisamment influent pour que tout change en mieux. Ingeborg. C'était Le Temps du Cœur, Ingeborg Bachmann et Paul Celan, correspondance. Troisième émission. Page choisie par Julie Amint. Traduction de Bertrand Badiou. Avec Paul Celan, Bruno Pavio, Ingeborg Bachmann, Elodie Hubert et la voix de Hélène Losseur. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès. La correspondance entre Ingeborg Bachmann et Paul Celan est publiée aux éditions du Seuil.